êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On fait bouillir un autre des plats favoris de Stéphanie Gagné. Et on parle littérature avec Marie-Pierre Laforge-Bourret. On a aussi la chronique Geek Célix. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 27 mars 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui nous écoutent pour une raison ou une autre, par curiosité, après avoir entendu parler de nous à quelque part. Là, mettons, ça pourrait arriver, là, un nouvel auditeur qui arrive aujourd'hui. Là. Bonjour, bonjour, bienvenue. Non, c'est ça, grosse nouvelle hier, hein, qui, oui. Qui a rapport avec C'est fou, le journal Zone Campus. L'ancien directeur général en fait, qui a plaidé coupable. Enfin. En fait, c'est une bonne nouvelle pour nous, dans la mesure où... Où ils reconnaissent sa culpabilité. C'est ça, à la place de c'est juste dire ah, j'ai rien fait. Non, c'est ça, en fait. C'est ça. Et voilà. On n'ira pas trop dans les détails, mais vous êtes un petit peu au courant de la situation par rapport à la fraude de C'est fou il y a quelques années par Marc Perrière. Et voilà, c'est réglé pour de notre côté. En tout cas, nous, le travail est fait pour C'est fou. Oui, exactement. On va connaître la sentence seulement le 5 septembre. Donc, c'est quand même encore un petit délai, mais bon, en fait, on est dans la bonne voie. C'est plus entre nos mains à partir de là. Non, c'est ça, exactement. Donc, voilà, une bonne nouvelle, je pense. Oui, on va essayer de recourir d'ici le mois de septembre et au-delà, sûrement. On verra. Bon, ouais. Donc, aujourd'hui, à l'émission, on aura Stéphanie Gagné en début d'émission avec sa chronique Ton plat favori. Elle nous présente, comme toujours, ses coups de cœur dans le monde de la musique, du cinéma, un petit peu partout. Donc, c'est, du théâtre, même, peut-être. Un jour, espérons-le. Espérons-le. Ouais, c'est ça. On verra bien. Je pense qu'elle va nous parler d'ailleurs d'Alex Nevsky, non? Ça se peut, je sais pas. Je sais qu'elle était voir ça en spectacle en fin de semaine. J'ai vu passer ça sur les internets, donc... Ah ouais. Bon, je me dis que peut-être que... T'es plus sur Facebook que moi, faut croire. aussi, l'émission d'aujourd'hui, on va voir Marie-Pierre Laforge-Bourret en fin d'émission à 8h30 pour sa chronique de suggestions de lecture. Donc ça, c'est à la fin d'émission. Et puis, qu'est-ce qu'on a entre ça? La chronique Geek CNX. Et puis, plein d'autres choses. Voilà. J'aime ça. Bonne émission. Bonne émission. Ouais. On débute avec Dumas, par contre, et la pièce titre de son album, Fixer le temps, au 89. Oh. On écoutera peut-être des extraits du nouvel album à un moment donné. Oui. Est-ce qu'on a ça proche? Je vois aussi dur à tirer. Je lève les épaules. Fixer le ciel, un point à l'horizon. Se tenir à l'écart. Toutes ces paroles en l'air, tous ces mensonges. Un grand vertige. Nos rêves petit bout de ciel. Sous le sapin, le matin de Noël. Dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. Simon est grandi quand je m'assois. Je pars en enfer, mon petit bout de ciel. Sous le sapin, le matin de l'air. Demain, la veille de Karim Ouellet à Assemblage Requis. Et même si ça parle de Noël, la veille de Noël, je trouve qu'elle est bonne n'importe quelle, cette chanson-là. Ben oui, tout à fait. Ça n'a même pas rapport. Noël, mais j'aime comment il prononce Noël, par contre. Noël. Je sais pas pourquoi, mais il fait ça. C'est cute. C'est comme ça. C'est comme ça. Hey François, je suis allé sur Dumas.com. Oui. Dumasmusique.ca. Évidemment, plus connu dans le domaine sous le nom de Dumasmusique.ca. Je pense que l'autre adresse ne marchera peut-être pas. Pour trouver un extrait du nouvel album L'heure et le temps. OK. Et puis, je pense que l'heure et l'endroit. Hey, écoutons, je dis n'importe quoi ce matin. Hey, c'est l'heure et l'endroit. Je dis n'importe quoi. Parfait. Donc, on écoute quoi? On écoute Souvenir en mitraille. Okay. C'est le premier extrait de cet album-là. Le voici. Dumas. Bord d'un ravin. Ouais, pas mal bon ça, Dumas avec Souvenir en mitraille sur le nouvel album L'heure et l'endroit. Dumas, assemblage requis. C'est pas mal, pas quelque chose qu'on joue à tous les jours, Dumas, malheureusement. Non. On devrait en jouer plus souvent. Ouais, oui, tout à fait. Donc, voilà, toujours assemblage requis à 7h16. Tout à l'heure, on aura Stéphanie Gagné, son plat favori. Mais avant ça, parlons de quelque chose d'important. C'est les élections de la GEQTR qui se déroulent en ce moment depuis mardi matin à minuit. Donc, tard lundi soir à 23h55 environ. Ouais, 23h45. 45, voilà, c'est ça. Donc, et ça se poursuit jusqu'à jeudi. Donc, on va en parler un petit peu. Ouais, c'est ça, exactement. Comment voter pour commencer? Je pense que c'est en fait, c'est relativement simple. On se présente sur son portail. Étudiant, en fait, il y a un gros carré orange. En fait, on peut pas le manquer. Vous cliquez là-dessus, vous confirmez. C'est comme un questionnaire. C'est un peu le même principe que pour le vote de la grève. Mm-hmm. Ça va dans le même sens. Avec plus de questions. Ouais, c'est ça, exactement. Plus de choix de réponse. Oui. Et puis, ça, en fait, on présente un peu les candidats brièvement. Allons-y. Donc, on commence par le poste de président? Oui. Ouais. OK. Bon, en fait, Ludovic Nadeau qui soumet sa candidature pour être président. C'est le seul? Oui, c'est ça, exactement. Je vais avec le poste de vice-président aux finances et développement, François Arcan. Mm-hmm. Secrétaire général, Mme Jasmine Raymond-Drainville. Vice-présidence à la vie associative et à l'environnement, Mathieu Roy. Vice-président aux affaires sociopolitiques, Anne-Julie Durocher. Vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle, Mathilde Loisel-Davidson. Vice-président aux communications, Malik Diagne. Ensuite, il y a trois personnes pour la vice-présidence aux affaires socio-culturelles, Michael Magny. Pascal Goulet. Et Vistel Ganongo. Et un poste qui est vacant, c'est celui de vice-présidence aux affaires académiques de cycle supérieur. Exactement. Voilà, ça fait le tour des candidats. Allez sur votre portail étudiant pour voter. Si jamais vous avez raté le gros débat qu'il y a eu hier sur nos ondes, c'était hier entre 17h et quoi, ça a duré 1h20? 6h30, mettons, là, pour dire, là, pour arrondir. Là. Environ. Donc, ce sera coupe, et puis Facebook, tout à l'heure. Donc, Facebook, coupe. Ça va-tu être... Tantôt sur le Facebook. Là. Bon, ouais, ça va être quoi, ce débat-là? Hein? Hey. Prochaine fois, hein, à radio. Non. Le monde doit être au courant. Exact. Doit être au courant, voilà. Donc, les élections de la GEQTR. Maintenant, on écoute Bravo Funken et un extrait de leur maxi Cœur Rubik. Voici Cœur Rubik, justement. Vous êtes assez fous, 89 fois, FM. It's at first a sharpish pain that returns as a thought, that the needle in your skin will bring you closer to God. And I watch as your hand turns full circle. I'm hopeless with no coffee and a medical text. It's too easy knowing nothing, blowing off the rest. And the riddles in the pages leave it too much to guess. And the worry cracks and fracture from your hip to your chest. As I watch as your hand turns full circle. J'aime ça, Half Moon Run avec Full Circle sur l'album Dark Eyes. C'est relax, mais j'aime ça le matin. Ouais, ouais, c'est relax. Oui. Oh, ouais. Je pensais, ouais, c'est ouais, relax. C'est bon, mais ouais. Non, non, mais oui, oui, c'est bon, effectivement, c'est très bon. Et puis, effectivement aussi, c'est très relax. Bon, parfait. C'est ça, je voulais pas faire un bloc relax nécessairement, fait que je me suis dit, peut-être pas deux pièces relax. Non, peut-être pas deux. Peut-être juste pas deux. Une relax. De toute façon, écoute, un peu plus tard dans l'émission, là, il va y avoir un peu de rock. Ah ouais? Moi, je te dis ça comme ça, là. Ben. Je regarde ce qui traîne à côté de moi, là, puis... Hey boy! Parmi les déchets à côté dans le studio. Non, ben non, Mathieu Plante. On a fait c'est le ménage bon pour la télé. Ouais, on, ben, rapidement. Non, c'est ça, ça a pris 2-3 secondes. Donc, du Hard Rock Rose plus tard dans l'émission, mais pour l'instant, on écoute Metric. Voici Collect Call. Et juste après, Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori. And you let me

déçois, tu me déçois, tu me déçois. Ah, j'avais pas deviné c'était quoi. Mais là, il me demande c'est quoi ça? Topanga! Topanga, voyons donc. Ton groupe préféré. Mais ouais, mais c'est vraiment pas la meilleure. Ben, je la trouve super bonne, t'as donc bien pas de goût. Non, non, non. T'as donc bien pas de goût. Non, non. Hey, gars, ça commence, c'était bon. Non. Hein? Non, mais c'est pas meilleur de ces deux. Mais en tout cas, à mon goût, à moi. Mais gars, si elle est bonne, elle, imagine comment je vais trouver les autres bonnes. Ouais, hein? Bon. Maintenant, parler de choses que je trouve très, très bonnes. À chaque semaine, c'est quelque chose de constant dans l'émission. Quelqu'un qui est fiable, qui est tout le temps là, qui fait des bonnes chroniques. Voici Stéphanie Gagné, ton plat favori. Bon matin, Stéphanie. Bon matin. Ça va bien? Ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va? Très bien. On est très, très, très contents de te parler ce matin. Ah ouais? Comment ça? Oui, étant surtout moi, je vais pas demander à François, mais je l'inclus là-dedans. Hein? Ah, il m'inclut là-dedans. Hein? Bon, c'est fait. Donc, Steph, en direct de Gatineau pour tes coups de cœur de la semaine, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Cette semaine, je voulais vous faire un petit spécial Oceaga. Comme je vous ai dit la semaine passée, la liste sortait mardi passé, mardi à 10h. Et j'ai vraiment pas été déçue. Ça faisait quand même quelques semaines que j'attendais ça, que j'allais voir sur des sites les suggestions des gens, puis qu'est-ce que le monde pensait qu'elle allait avoir. Puis moi aussi, je faisais un peu la même chose. Je me disais, ah, ce groupe-là devrait être là, etc. Et finalement, il y a quand même des bonnes têtes d'affiche. Selon moi, il y a quelques personnes qui sont déçues. Mais les trois têtes d'affiche pour les trois soirs, donc du 3 au 5 août, c'est The Black Keys qui était sur les plaines l'été passé, donc je vais pouvoir aller voir deux étés de suite. Ensuite de ça, il y a Justice, le groupe français qu'on a connu pour DNCI avec son vidéoclip assez original, et Snoop Dogg, qui est quand même un choix étonnant, mais l'année passée avec Eminem, ça avait vraiment beaucoup pogné. Le parc Jean Drapeau était plein, plein, plein pour son spectacle. Fait que d'après moi, ils ont voulu essayer de s'en aller un peu vers cette lignée-là, et je pense que ça va fonctionner avec Snoop Dogg. D'après moi, il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui vont être au parc Jean Drapeau. Snoop Doggy Dogg! Et à part les trois têtes d'affiche, il y a quand même énormément de groupes excellents. J'ai vraiment hâte. Il y a au moins une vingtaine de groupes là-dedans que je vais absolument voir. D'après moi, il va y avoir des choix un peu difficiles à faire quand le calendrier va sortir. Après les trois têtes d'affiche, Metric, Sigur Rós, Feist, Florence and the Machine, City and Color qui est là pour une deuxième année de suite, ce qui est quand même étonnant. The Shins qui vient de sortir un album la semaine passée, Port of Morrow, qui est excellent, soit dit en passant. MGMT, The Weeknd qui a été l'objet d'une de mes chroniques il n'y a pas si longtemps. Mm-hmm. Block Party, M82 aussi, donc j'ai parlé dans une chronique. Il y a beaucoup de groupes là-dedans qui ont été l'objet de chroniques. C'est donc bien bonne, Steph. Hein? C'est vrai, t'es donc bien bonne pour bien choisir les groupes de musique. T'as du goût, c'est ça que ça veut dire. Ah, je sais, je sais. Il y a aussi Franz Ferdinand, un groupe que j'adore et que j'avais peur qu'ils soient sur le point de se séparer parce qu'ils n'ont rien fait depuis 2009. Pas de nouvelles chansons, pas de nouvelles deux. Mais finalement, le groupe, c'est pas défait. Ils vont être là à Chicago cet été. Il y a aussi le retour de Garbage. Et ensuite de ça, des plus petits groupes, mais quand même intéressants. Il y a Dumas, entre autres, qui avait déjà dit qu'elle allait être là. Young the Giant, Yes Ayer, Plants and Animals, Passion Pit, qui avait connu beaucoup de succès il y a peut-être 2-3 ans. Ensuite, Allo Black, je vous ai fait écouter une chanson l'autre jour, la chanson thème de How to Make It in America. Oui, oui, oui. Alors, lui, il va être là aussi. Ravenette, Black Lips, Walkman. Et quelques plus petits groupes que les gens connaissent peut-être pas, mais qui valent la peine d'être connus. Portugal the Man, Kathleen Edwards, Love Monsters and Men, Bombay Bicycle Club, Ostra, Arkells. Il y en a une tonne à aller voir sur le site web d'Oceaga. Il y a aussi quelqu'un qu'on aimait beaucoup, Mathieu, Karim Ouellet. Ben on a fait jouer tantôt. On a fait jouer tantôt, exact. Ah, quel ado! Qu'on voulait tellement qu'il gagne, mais... finalement, qui n'a pas gagné l'année passée les Franco. Ah, c'est et pas, voilà. On sait, hein, pas besoin de gagner pour être bon. Ah, regarde Star Academy, hein? Hein? Hein? Pas besoin de gagner pour être bon? Non. Voilà. Ça n'a aucun rapport. Alors, c'est ça. Alors, allez voir sur le site de Oceaga parce que j'ai pas pu toutes les nommer. Bien sûr, il y en a vraiment une tonne. Je vous ai nommé ceux qui moi m'intéressent, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Donc allez voir sur le site et on va attendre avec impatience quand ils vont sortir le calendrier complet, donc pour faire ses choix de quel groupe on voit sur quelle scène. Ce qui risque d'être très compliqué vu le nombre de bons groupes cette année. Ouais. C'est comme choisir son enfant préféré. Hein. Oui, c'est ça. Ça va être très difficile. Et les billets, c'est combien? Les billets pour les trois jours, c'est 220$. Eh, OK, quand même. Et puis, ça, c'est en pré-vente. J'imagine la pré-vente est déjà commencée. Oui, c'est ça. Vous pouvez déjà acheter les billets. Il était un petit peu moins cher la première semaine, mais là, ils ont augmenté. Okay, dans le fond, c'est un spécial. Mais 220, ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est pas tant que ça quand on pense que... On peut voir plus d'une vingtaine de groupes dans sa fin de semaine. L'année passée, j'en ai vu 22 dans ma fin de semaine. Fait que tu rentres dans ton argent quand même. Ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même une fin de semaine complète, libre. Exactement. Moi, je trouve ça trop difficile d'avoir à faire un choix entre y aller le samedi ou y aller le dimanche. J'aime mieux y aller les trois journées puis voir le plus de groupes possible. Ouais, quand tu peux, c'est parfait. Faut se gâter des fois un peu, là. Exactement, ça arrive juste une fois par année à Chicago, fait qu'il faut en profiter. Puis on a rien qu'une vie, puis d'autres paroles sages comme ça. Hey, lâche-moi ça. Attends un peu, là, le nez au pop. Là. Ouais. Voilà. Donc, Steph, c'est tout? Oui. C'est tout? Oui? Oui? Oui, oui, oui. Ah, parfait. Okay. Hey, tu nous fais entendre deux pièces de deux artistes différents. Oui, Passion Pit, la pièce Moss Swings, et aussi Block Party avec Mercury. Oui, hey, désolé pour avoir trouvé Will Do, hein, introuvable. C'est pas grave. Tu me diras c'est à trop. Donc, Block Party, Mercury, puis après ça, Passion Pit. Merci, Steph. Merci Steph. Bye-bye. Bonne semaine. My Mercury's in retrograde. To worry about what's forgotten, Drôle de hasard quand même, en fin de semaine, j'ai écouté justement du Passion Pit. J'ai comme recommencé à écouter ça et Stéphanie nous en fait jouer. Je suis très content de l'entendre. C'est Moss Wings. Avoue que tu l'as obligé à faire jouer ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bon, Steph, écoute, si tu veux continuer ta chronique, ça me dérange pas, mais tu vas faire jouer ce que je veux entendre. Ben, il faut mettre des règles, tu sais. Il y a des règles comme ça dans la vie qu'il faut suivre, comme mettons, tu sais, se présenter à sa chronique. Mettons. On a aussi entendu qu'est-ce qu'on a entendu avant ça? C'était Mercury. Block Party. Oui. Et pour continuer, après le plat favori de Stéphanie Gagné, c'est les crudités de François Lillet. Oui, exactement. Écoute, Mathieu, dans mes crudités, je te parle d'un coup de cœur qui m'est apparu la semaine dernière, mais je sais que j'en ai parlé hier. J'en reparle aujourd'hui. Je trouve ça fantastique. Évidemment, tout le monde parle de Chicago. Moi, je te parle du Detox Rockfest. Ben oui. Qui va avoir lieu à Montebello le 15 et 16 juin prochain. Et puis, en fait, des groupes qui viennent peut-être un peu plus me rejoindre. Évidemment, en fait, là, je te nomme. Je te fais une énumération des groupes qui vont avoir là. The Korn, Bad Religion, Dream Theater, Sublime, As I Lay Dying, No Use for a Name, Face to Face. Face to Face, d'ailleurs, que j'ai jamais vu. Groupe. Je les ai jamais vus de face. Ouais, ouais, c'est ça. De face à face, je les ai jamais vus. Juste de dos. Un groupe d'ailleurs qui fait de la musique depuis 1991, donc il en reste peut-être plus tant long là, à leur carrière. Donc défaitiste. Réaliste peut-être. Donc allez voir ça, Goldfinger, Against Me d'ailleurs, tu sais Mathieu, j'en ai fait jouer souvent ici à l'émission. Good Riddance, Protest Zero, Real Big Fish, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voivod qui va être là. Sinon Mon Oncle Serge, Vulgaire Machin, Planet Smasher, voilà. Et puis les billets, c'est vraiment moins cher là, que 200$. On parle d'environ 55$. 200$, c'est Oceaga. Ouais, c'est ça. je trouve ça quand même cher. C'est très cher. Je trouve ça quand même cher. Donc voilà, peut-être une bonne alternative pour vous. Je pense qu'il faut quand même se dépêcher pour les billets parce que sur le site, on parle peut-être que cette édition-là va être sold out. Donc faut se dépêcher. Évidemment, si vous voulez l'information, tapez le www.pnrockfest.com. PN pour Petite Nation. Petite Nation. Petite Nation. Petite Nation. Petite Nation. Parce que bien, ça s'appelle Petite Nation Rockfest, c'est quoi? Ouais, c'est ça, exactement. Mais je pense Petite Nation, c'est une appellation de la place. Là. Ouais. En tout cas, je sais pas exactement de où ça sort. Donc voilà, il y a même aussi, vous pouvez acheter votre passeport VIP qui vous donne accès carrément sur stage pour voir vos artistes préférés. Oh, ah ouais? Ouais, ouais. C'est une bonne idée, je trouve. Oui, vraiment, comme vraiment cadeau aussi, mettons. Oui, c'est quand même cher, par exemple, on parle de 140. OK, mais il est moins cher que chez Aga quand même. Oui, c'est ça, exactement. Et évidemment, les billets sont très limités. Oui. Puis, t'es sur le stage, donc tu te fais pas pousser, t'es pas dans le sable, si le mois est un trouet. C'est ça. Tu sais, t'as comme plein d'avantages. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir aussi des bus trips, là, des voyages en autobus qui vont partir de Québec, de Montréal. Et donc, ouais, c'est ça. Visitez le site internet, en fait, où toutes les informations sont. On rappelle pnrockfest.com. PNRockfest.com, exactement. Bon, voilà. Merci, François. Ça fait plaisir, Mathieu. Et pour terminer le repas, après le plat favori et les crudités, ben, c'est le dessert délicieux de Mathieu. Aujourd'hui, je vais regarder une petite vidéo sur l'écran de votre radio, comme on aime le faire. C'est Stephen Allen et Ben Boutwell qui ont fait une petite vidéo, un court-métrage, si on veut. Deux en train de passer à travers des genres de... C'est un cadre magique, OK? Donc, c'est un cadre magique, là, vraiment comme un cadre... Là, un cadre là, pour afficher, là, ouais. Mettons, sur un mur. Là. Okay. Et dedans, apparaissent des choses et en même temps, ils peuvent passer au travers. Donc, c'est fait comme en stop motion. Donc, tu les vois passer à travers ce cadre-là. Et puis là, ben ça prend une photo de leur face, mettons. Tu sais, ils se mettent devant. La photo de la face, elle gèle là. Là, puis ils peuvent la bouger. Puis après, ça change de place. Puis ils passent au travers de ce cadre-là. C'est un petit peu difficile à expliquer à la radio. Mais c'est de l'excellent stop motion. Et en plus, la petite chanson est vraiment bonne dessus. Fait que ça fait un beau petit vidéoclip, regarde ça. Mais c'est ça. Ça donne absolument rien de passer ça à la radio. Mais au moins, le lien est sur assemblagerequis.com. Je vais passer le mettre sur la page Facebook aussi. C'est juste un beau petit exemple de stop motion bien réussi. Il y en a des fois, c'est pas trop. Ouais, des fois, c'est moins bien réussi, exactement. Ici, ça fonctionne et ça passe. Ça donne rien de laisser la musique aller. Voilà. Non, merci. Mais c'était mon petit dessert délicieux. Très, très simple. Une petite façon de passer une minute et quelques. Là. Mais tout aussi délicieux. Oh, c'est ça. C'est même pas une minute et quart. C'est bien fait. Merci, bon. Mathieu. Fait plaisir, François-Olivier. On va terminer l'heure ici. tant qu'à être dans ces coins-là ben d'heure. Oui, ben oui. Ça tomberait bien, ce serait pratique, je te dirais. Ce serait comme professionnel, tu sais. Tout à fait. Ouais. On vient tantôt avec la chronique Geeks et Enix. On a aussi la chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourret, notre bonne amie sympathique, chroniqueuse adorable. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et puis un peu de musique, un peu de rock. Un petit peu de rock? Un petit peu. Pas rock fest, là? Non, non. Mais du rock qui fest, hein? Genre. Hey, restez là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Deuxième heure de cette édition d'Assemblage requis en ce mardi 27 mars 2012. Lui, c'est François Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Et quelle belle journée qui commence à 8h, juste là. Il fait froid ce matin, par exemple. Ah oui, pour vrai? Ben, en tout cas, ce matin, il faisait froid. Je sais pas si... Ça va se réchauffer un peu, mais... Quand j'arrive dans l'auto, je suis endormi complètement. Ouais, et puis déjà chaud, hein? Ouais, c'est ça. C'est déjà chaud. Mettons que ça l'aide. Ouais, c'est toujours mieux quand c'est chaud de l'intérieur. Donc là, on se fait un petit bloc rock un peu. François, c'est toi qui décides de la musique pour ce prochain bloc. Qu'est-ce que tu nous proposes? Oui, exactement. Écoute, on commence avec la formation Jet et puis la pièce La-Di-Da. Hein? Mm-hmm. Et puis après ça, petite surprise, j'hésite entre deux. Donc, mais non, les deux. Ouais, un bloc de trois. On a le temps, je pense, ce matin. OK, bon, parfait. Mm-hmm. Parfait. On va l'entendre de Kooks et puis de Red Jumpsuit Apparatus. Bon, mais on commence avec Jet. Assemblage requis. The Red Jumpsuit Apparatus et puis la pièce You Better Pray. Oh oui! Il nous reste une dernière pièce dans ton petit bloc que tu nous as choisi, un bloc plus mouvementé. Plus mouvementé. Oui, oui, oui, pour les jeunes. On aurait dit que ta grand-mère parle. C'est ça, on dirait genre lancer l'émission du matin. The Kooks, tout de suite avec Is It Me? Oui! Oui! C'est fou, 89 FM. Des blagues de Marc Perrier le matin, c'est toujours. Ouf. Ça marche toujours. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. I can lose it. Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I'm formation de coup, c'est la pièce Is It Me? Assemblage Ricky, avec Mathieu Plante. Ouais. C'est-tu juste moi ou les jeunes de nos jours, ils aiment bien ça, les ordinateurs? Les gadgets. Yeah. Ça, tout le temps partout. C'est ça, c'est la chronique Cynix. Cynix.com. Chronique du mardi matin où on résume les nouvelles depuis hier matin, lundi. Commençons avec des avancées technologiques en rafale. Des scientifiques créent de la peur synthétique. De la fausse peur. Oh, ouais. Oui, oui, ça ressemble un petit peu au film Eternal Sunshine of the Spotless Mind où les personnages perdaient la mémoire, mais des scientifiques ont réussi à instaurer des souvenirs hybrides, un mélange de vrais et de faux souvenirs dans la mémoire de souris. Des chercheurs du Scripps Research Institute aux États-Unis ont, dans un premier temps, mis les souris dans une pièce toute blanche sans odeur. OK? OK. Ça va? Puis les chercheurs ont placé les rongeurs dans une pièce différente avec une odeur particulière en leur donnant un médicament qui ravive le souvenir de la pièce blanche jumelée à une décharge électrique. Donc, les souris... Ouais, c'est ça. On va répéter le paragraphe. Les chercheurs ont placé les rongeurs dans une pièce différente avec une odeur particulière en leur donnant un médicament qui ravive le souvenir de la pièce blanche jumelée à une décharge électrique. Ce qui n'avait pas vraiment eu lieu. Donc, c'est comme un faux souvenir. C'est la pièce blanche, il essaie d'associer ça à un choc électrique. Les souris auraient dû développer la peur de la deuxième pièce puisque c'est là que les décharges avaient eu lieu, tu te rappelles? Donc, c'était dans la deuxième pièce, en fond, qui ramenait... Il ramenait un faux souvenir en les présentant dans la pièce, dans la deuxième pièce, alors qu'il faisait rappeler la première pièce, tu comprends? est-ce que tu suis un peu? Ben, le choc électrique avait lieu dans la deuxième pièce, mais ben, la deuxième pièce, c'est pas la blanche. Non, c'est la plus colorée, là, avec une odeur particulière. Okay. Donc, il essayait d'associer l'odeur avec le souvenir de la première pièce et le choc qui avait lieu dans la deuxième pièce pour leur faire penser que ça avait eu lieu dans la première pièce tantôt. Mmh. Okay? Donc, découverte qui... on dit que les souris auraient dû développer la peur de la deuxième place, mais avec le médicament administré, la mémoire des rongeurs a enregistré que c'était dans la première pièce blanche qu'ils devaient avoir peur. Okay. Cette découverte propose donc la possibilité qu'il existe deux groupes différents de neurones encodant chaque mémoire et que ces deux groupes n'interagissent pas ensemble. La première étape est maintenant de créer de nouveaux souvenirs complètement. Ces résultats qui offrent un grand potentiel pour la recherche en santé mentale pourraient ensuite être appliqués sur les humains atteints de schizophrénie, par exemple. OK. Fascinant. Oui. Fascinant. Impressionnant. Un appareil à rayons X habituellement utilisé en montagne permet d'analyser la formation de vilains cristaux de glace qui altèrent la texture et le goût de la crème glacée. La microtomographie pourrait bien nous permettre d'améliorer la dégustation de crème glacée à la maison. Cette technique d'imagerie spatiale haute résolution non invasive et non destructive utilisée pour retranscrire un objet en trois dimensions étend ses activités jusqu'à notre congélateur. La microtomographie, oui, permet l'étude d'échantillons lorsque le mercure est sous zéro, sans détruire ou modifier la matière. Des scientifiques de l'Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches à Davos, en Suisse, ont mis leur expertise au service de la compagnie Nestlé, qui fabrique des chocolats, évidemment. Ouais. Au lieu d'utiliser des rayons X pour prévoir des avalanches, il s'agit ici de découvrir les conditions exactes de formation de cristaux de glace sur le dessert. Les variations de la température lors du transport et même dans le congélateur de la maison qui fluctue plus qu'on le pense provoquent la formation de cette mince couche de glace et ça rend la crème glacée plus difficile à manipuler. Donc plus glacée, plus caoutchouteuse et moins agréable au goût. Nestlé désire ainsi trouver une solution à la dégradation de ses produits et faire durer le plaisir plus longtemps dans la crème glacée sans avoir de croûte. De croûte, ça crème. On n'en veut pas. Comme de la croûte, c'est du pudding. On n'en veut pas. Ou dans les yogourts. François, je sais pas si t'es de mon bord là-dessus. Ouais, ouais. Mais t'es brasse, puis ça passe. Ben, ouais, mais tu sais, les yogourts à deux saveurs, là. À deux saveurs? Tu sais, il y a des yogourts de différentes compagnies qui sont séparés en deux verticalement ou horizontalement. T'as deux saveurs. T'as, mettons, bon, fraise et vanille dans le même pot, là, tu sais. C'est comme juste les petits pots, là, les tout petits pots, là. C'est divisé en deux, puis à gauche, c'est rouge, mettons, ou rose, puis à droite, c'est blanc. Mais il y a toute une croûte dans le milieu, puis même quand tu brasses, la croûte reste là, ça m'énerve. Bon. Ouais, j'aurais pu faire un tout le temps de quoi là-dessus. Ouais. Peut-être un jour. Dans le monde de l'électronique, oui, on essaie toujours de rendre l'expérience télévisuelle de plus en plus réelle. On parlait de yogourt, et du yogourt, ça sent bon. Ben, par exemple, peut-être qu'on aurait envie de sentir notre yogourt à TV, hein, après la 3 dimensions et les choses comme ça, les affaires qui pognent pas du tout, finalement. On pense amener la senteur dans la télé, et il y a des avancées là-dedans. C'est pas la première fois que les fabricants tentent de créer un système d'odeur pour les télévisions. L'un des plus récents et des plus prometteurs s'appelle OdoraVision. Okay. Ce nouveau système permet la programmation, la synchronisation, le cryptage et la diffusion d'odeurs qui sont bien sûr en rapport avec le film ou l'émission de télé qu'on est en train de regarder. On assure qu'après la diffusion de l'œuvre cinématographique, il n'y a plus de traces des odeurs diffusées. Alors ça, c'est une bonne nouvelle par contre. Ouais. Chaque odeur ne reste dans l'air que pendant quelques secondes et heureusement, on dit des commentaires de la personne qui a écrit l'article, je trouve ça toujours le fun dans un blog. Technologie basée sur le logiciel de montage CNES, NES, N-E-Z comme nez. OK. J'imagine que c'est français. Celui-ci permet d'associer des odeurs à une ou plusieurs images. Chaque image de la projection contient un code et le logiciel est assez intelligent pour prendre en compte la distance entre le nez des utilisateurs et l'écran projetant le film. La plupart des formats sont pris en charge. On parle de DVD, Blu-ray, des films format informatique, MP4, DVX. L'usager peut même, s'il le désire, utiliser cette technologie pour ses propres films. Pour moins de 128 familles d'odeurs peuvent être générées. Pendant une même scène, le système peut en générer jusqu'à 3 en même temps. 3 odeurs. Impressionnant quand même. Ça peut perturber un nez pas mal, ces 3 odeurs en même temps, dépendant de la scène. Ah. Là, mettons si c'est un film d'horreur, là, puis je sais pas. Personnellement, donc c'est ça. J'allais encore suivre la suite de l'article avec les commentaires de l'auteur. Je trouve ça bien drôle de ma part. Je suis vraiment beaucoup la nouvelle. Un programme d'ordinateur pour détecter les menteurs maintenant. Okay. Les polygraphes pourraient devenir chose du passé maintenant que des informaticiens ont mis au point un nouveau programme qui identifie correctement les menteurs plus de 8 fois sur 10. C'est presque 80% du temps. Le système automatisé analyse les mouvements oculaires pour déterminer si les gens mentent. Dans une étude portant sur 40 conversations enregistrées sur bande vidéo, le programme d'ordinateur a identifié correctement les menteurs à 82,5%. Moi, je faisais mon petit ironique en disant presque 80%. C'est plus que 80%. C'est plus que ça. Ce qui est un meilleur taux que ce que les humains peuvent eux-mêmes détecter. Des interrogateurs expérimentés peuvent repérer un menteur 65% du temps, selon l'étude. Tabarouette. Elle note que la technologie n'est pas infaillible. En effet, un très faible pourcentage de sujets étudiés étaient d'excellents menteurs. Ça, il y en a partout. Genre un ancien DG d'une station de radio. Leur mouvement oculaire était indifférencié, peu importe s'ils disaient la vérité ou s'ils mentaient. Les chercheurs ont déclaré que l'étude ne cherche pas à démontrer que les ordinateurs doivent remplacer l'être humain, mais qu'il s'agit plutôt d'un outil supplémentaire pour la police et d'autres interrogateurs. Oh, celui-là est vraiment bien. Un système de refroidissement d'ordinateur en toile d'araignée. Ça a l'air bizarre dit comme ça. Ouais, vraiment? Mais les chercheurs de l'Université d'Iowa ont découvert que la toile de l'araignée Nephila clavipes est un meilleur conducteur thermique que le silicium ou l'aluminium. Elle a l'avantage d'être très élastique et très fine. On parle de 4... c'est quoi? C'est micromètres d'épaisseur. Ça se peut, ouais. Le petit genre de U, là. Et elle pourrait être utilisée comme système de refroidissement passif. La question est maintenant de savoir comment en produire en masse et l'utiliser dans des systèmes commercialement viables. Sans attirer d'autres sortes de moustiques là-dedans, peut-être aussi. Les recherches ont été en partie financées par l'armée américaine et la Fondation nationale des sciences. Les scientifiques ont publié leurs résultats dans la revue Advanced Materials. La découverte est surprenante parce que les matériaux organiques ne sont pas de bons conducteurs généralement. En l'espèce, la toile a une conductivité thermique de 416 watts par mètre Kelvin contre 401 pour le quiz. Le quiz. Depuis, les propriétaires de la toile s'améliorent lorsqu'elle les propriétés de la toile, s'améliorent lorsqu'elle est étirée. Il serait possible de fabriquer des couches souples conductrices capables d'être intégrées dans des composants ou des vêtements. On peut imaginer l'utilisation de puces flexibles pour aller avec les OLED flexibles de demain. Dans les écrans, par exemple. Ah ouais, d'habitude, c'est dans cet effet que j'ai des problèmes. Aujourd'hui, c'est Alex. Contrôler son téléphone intelligent avec des gestes. OK. Ça, pas convaincu de ça, hein? Ben, ça existe déjà. Ouais, mais ça, c'est des gestes pour changer les chansons. Vrai, t'amènes un très bon point quand tu shakes ton téléphone pour changer de chanson. Ouais, ça fonctionne bien sur les iPhones. Ouais, mais on parle plus de mouvement devant l'écran. Genre de mouvement de tes mains. Un peu comme la Kinect. Là. Un peu comme la Kinect, exactement. Donc, sentant la bonne affaire en mesurant la popularité sans précédent de Kinect chez Microsoft, Hillcrest Labs annonce qu'elle rend son logiciel FreeSpace disponible afin que sa technologie de reconnaissance gestuelle puisse être implantée dans les téléphones intelligents et tablettes dès début 2013. L'intégration de la reconnaissance gestuelle dans les téléphones n'a été considérée que maintenant parce qu'il fallait attendre que ces téléphones soient dotés des éléments technologiques nécessaires pour en faire des candidats idéaux. Donc, la présence d'accéléromètre, le gyroscope, là, ce qui fait que ça détecte le mouvement de ta machine. Donc, Hillcrest annonce que son logiciel sera adapté à deux systèmes d'exploitation, Android de Google et Windows 8 de Microsoft. Donc, on ne parle pas encore des appareils Apple. L'entreprise des États-Unis possède une expérience en matière de reconnaissance gestuelle car elle développe sa technologie depuis une dizaine d'années. Hillcrest n'est pas la seule à se lancer dans l'aventure. Elle devra faire face à une rude compétition. On parle entre autres de Qualcomm et du constructeur coréen Pantech. On dit que le côté pratique d'avoir la possibilité de contrôler un téléphone sans le toucher et que ceci permet d'éviter de le mouiller, de l'abîmer ou de le salir. Oh. Par exemple, dans la cuisine, tu pourrais laisser ton iPhone ou ton iPad sur ça. Ouais, c'est pas bête. Bonjour, next page. À savoir si ça fonctionne bien. Ah, ça va venir, hein. Faut bien commencer quelque part. Ouais. Au début, ça pourrait moins bien fonctionner. Même si, étrangement, Kinect fonctionne quand même assez bien, malgré le fait que c'est la première version. Ouais, exact. Ils ont travaillé fort là-dessus. L'homme accusé l'an dernier d'avoir piraté les ordinateurs d'une cinquantaine de vedettes d'Hollywood, dont Scarlett Johansson et Christina Aguilera. Ils ont mentionné, eux, dans le premier paragraphe. Moi, je vois surtout la photo de ma jolie Mila Kunis. Ma jolie Mila Kunis. Tu vois juste ça. Ben là, c'est pas mal là que je m'en vais. Hein? Bref, a plaidé coupable lundi devant une cour fédérale à Los Angeles. Hey, lundi, c'est une grosse journée pour les gens qui plaident coupable, hein? Le pirate informatique Christopher Cheney, originaire de Floride, qui avait été libéré sous caution après son arrestation en octobre dernier, risque jusqu'à 60 ans de prison et 2,5 millions de dollars de dommages et d'intérêts. Tu vois, ce gars-là a hacké les ordinateurs de quelques petites personnes. 60 ans de prison. Et nous, Marc Perrière, on va voir combien de temps on pense. On verra. Le juge James Otero a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi l'accusé avait continué à espionner ses victimes alors même que son domicile avait été fouillé par des agents fédéraux en février 2010. L'accusé qui paraissait choqué d'être envoyé en prison après l'audience a évité un procès en passant par un accord avec le bureau du procureur qui a ramené le nombre de ses chefs d'accusation de 66 à 9 et la peine de prison de 121 ans à 60. 121 ans de prison. Monsieur Cheney était entré frauduleusement dans les ordinateurs de personnalités comme Scarlett Johansson, Mila Kunis et Christina Aguilera. Il a été également coupable d'écoute illégale et de vol d'identité. Bon, ça d'accord, ça peut être un petit peu plus grave. Ouais. Plusieurs photos de ses stars plus ou moins dénudées étaient par ailleurs apparues sur les internets. Voilà. Comme disent les vieilles personnes. Les autorités américaines imposeront le respect de la vie privée en ligne. Je vous laisse aller lire l'article sur assemblagerequis.com. La confidentialité des utilisateurs de l'Internet devient une priorité pour les organismes américains de surveillance. Et la Federal Trade Commission, qui est l'équivalent de l'autorité des marchés financiers, a énoncé des règles qu'elle compte mettre en place sous peu. Donc, c'est sur assemblagerequis.com. On parle maintenant de PATH, qui est un système, un réseau social limité à un seul contact. Pair, pardon, c'est pas Pair, parce que PATH, c'est un autre réseau social qui était limité à 50 contacts. Okay. On parle donc de Pair, qui est un service de messagerie limité à un seul contact. Okay. Disponible exclusivement sur iPhone et iPad, l'application est plus précisément destinée aux couples en leur offrant des fonctionnalités dédiées. Donc, tu n'es ami qu'avec ton copain ou ta copine. Pair offre avant tout un moyen de communication exclusif à sa moitié, différent de ce qu'on utilise avec n'importe quelle autre relation. La fonction Thumb Kiss, qui est censé remplacer un baiser quand les deux partenaires sont éloignés. C'est la fonction de dessin qui permet aux deux de dessiner simultanément à l'écran. Et tu as les tâches partagées qui facilitent le partage de tâches, donc par exemple une liste d'épicerie. On retrouve aussi les fonctions habituelles d'un service de messagerie sur smartphone, telles que l'échange de la géolocalisation, donc pour dire où ton copain ou ta copine est située précisément en ce moment. C'est disponible sur l'App Store, le logiciel Pair. P-A-I-R. Oh. C'est une drôle d'idée, ça. Ouais, vraiment. Très, très drôle d'idée. Encore une fois, en bref, je vous laisse aller lire les articles parce que moi, ça m'intéresse pas tant que ça, mais c'est la batterie du iPad qui se charge à 120%, mais en fait, c'est pas littéralement ça. C'est que le système de jugement de la batterie sur l'iPad est fautif sur le nouvel iPad. Donc, ça dit que ta batterie est à 100%, mais dans le fond, t'es rendu à peut-être 80%. Ah. Il te reste encore 20%, donc il faut que tu le laisses brancher plus longtemps. Et ce que ça fait, c'est que si je comprends bien l'article, là, c'est endommage, c'est que ça endommage la batterie si ça continue de charger après que ce soit vraiment chargé. Ouais. Donc, bref, il y a un petit problème là-dessus. J'imagine que ça va être corrigé par un patch. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour l'article. Et finalement, dans les nouvelles geeks en général, une femme de 83 ans qui poursuit Apple parce qu'elle est foncée dans le mur de vitre. Ouais, tu sais, chez Apple, il y a des murs de vitre tout le tour. Ouais. Ils mettent ils mettent des petits collants blancs ces vitres à chaque quelques, mettons, à chaque demi-mètre environ, à mon œil, ça a l'air d'être pas ça. Que tu rentres dedans. Pas que tu rentres dedans. Un peu comme il y a des points jaunes dans les escaliers de l'UQTR pour pas que tu pètes la gueule. Ah. Donc, cette personne-là a une vue un petit peu peut-être basse et foncée et là, elle poursuit Apple pour dommage à son nez, en fait. Son nez est cassé. C'est triste, non? Mais en même temps, tu sais. Je veux dire, il y a des affaires dans la vitre, il y a des affiches, il y a des faux gros iPads géants, des grosses boules argentées. T'sais, si tu vois pas que c'est pas une porte, là, ouais. Peut-être que les centres d'achat, c'est pas pour toi, même. Non, c'est ça. On dit que la Wii U va être aussi puissante que qu'une console actuelle en général. Donc, on sait que la prochaine console de Nintendo, la Wii U, est entourée de secrets. Elle s'était présentée il y a à peu près un an et ça devrait sortir dans quelques mois. Mais on sait toujours pas grand-chose. On sait pas à quoi s'attendre en termes de chevaux moteurs, donc de puissance. Si la tendance était au départ à estimer que la console se positionnerait un petit peu au-dessus de la Xbox 360 et de la PlayStation 3, le développeur de chez Darksiders 2, qui est un jeu vidéo, un des titres confirmés au lancement, il explique que la machine est au niveau des consoles actuelles, donc pas mal, pareil, okay. Alors que ça va être la prochaine génération. Okay. Ça aide pas vraiment Nintendo à avoir l'air d'une compagnie pour gamers un petit peu plus. Là. Ouais, mais ça a jamais été vraiment pour les graphiques. Non, c'est pas leur but. C'est pas leur but. Leur but, c'est de faire du divertissement pour tous. Ouais. Donc, je peux les comprendre là-dessus, mais ils auraient pu pousser un petit peu plus le graphique ouais, quand même. Ouais, j'imagine. Et selon MS Nerd, Microsoft profiterait du prochain E3 pour dévoiler une nouvelle version de la Xbox 360 plutôt que sa prochaine console. Donc, on parle pas de Xbox 720 ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais on parle d'une Xbox 360 style Lite qui coûterait environ 100$ et qui permettrait de jouer aux jeux arcade et d'utiliser les applications Kinect. La console serait plus petite et son objectif serait de faire pénétrer Kinect dans plus de maisons. Donc c'est ce qu'on dit okay. En ce moment. C'est selon MS Nerd pour la prochaine E3 qui a lieu cet été. On va en parler évidemment à Assemblage Rocky cet été. Tour du net rapide, il y a un gars qui a posté une photo, c'est Sam Zway, son nom. Il a posté une photo de quoi t'as l'air quand tu prends une photo de toi dans le miroir avec ton iPad. Il a pris une plaque à biscuits puis il a mis ça dans ta... T'as l'air de ça quand tu prends une photo avec ton iPad. C'est tout à fait vrai, j'adore ça. Il y a des posters, des affiches de films recréés en version 8-bit, donc en style jeu vidéo Nintendo Entertainment System, l'original. Donc, on parle par exemple de Iron Man en 8-bit. Il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? Harry Potter. Harry Potter. La Matrice. Titanic. Titanic, c'est littéralement, on dirait, le bonhomme de choses. Comment ça s'appelle ça? Megaman, mais pris dans un bloc de glace. C'est Titanic. Il est pris dans l'eau. Ça. Mais c'est super beau, c'est en 8-bit, style jeu vidéo, donc allez voir ça. Il y a aussi l'illusion d'optique à peu près folle. À peu près folle. C'est la plus ridicule que j'ai vue, c'est ça arrête pas de bouger. Non? Ça arrête juste pas. Parce que il y a plusieurs illusions d'optique sur Internet, là, tout le monde connaît ça un petit peu, tu sais, ça a l'air de bouger un petit peu, mais celle-là, c'est freak, là. Si t'as mis plein écran, je suis sûr que tu vas pogner une commotion cérébrale, là, assez rapidement. Nouvelle police de caractère, c'est de Penrose Triangle. On se rappelle tous de l'illusion d'optique, encore une fois, où la forme a l'air impossible à faire. Tu sais, on voit trois bâtons, là. Je sais pas si t'as déjà vu ça, tu vois trois bâtons, mais si tu suis les bâtons, c'est impossible que les bâtons soient reliés ensemble. C'est comme une genre d'illusion d'optique de façon que la forme est faite. Difficile à expliquer sans le montrer, là. Mais cette police de caractère-là est faite avec ce genre de forme-là. Donc t'as l'impression que c'est une vraie forme, mais cette forme-là n'est pas physiquement possible dans la vraie vie. OK. En tout cas, allez voir ça. Moi, je trouve ça vraiment cool. Le top 10 des photos d'encre dans l'eau. Quand tu mets de l'encre dans l'eau, ça fait des drôles de formes. Et puis, c'est des photos de ça. C'est le photographe Alberto Seveso, photographe italien. Et ça a juste l'air génial parce que ça ressemble à du tissu, l'encre dans l'eau, dans ces photos-là. Okay. Je trouve ça vraiment beau. C'est à peu près ça. Je pense que ça va faire le tour pour les choses sur Internet. On va l'entendre du chiptune parce qu'on n'a pas écouté hier. C'est Loading Screen qu'on s'en va entendre avec l'extrait Bit by Bit. Cynix. Retour à la chronique littéraire de Marie-Pierre Laforge-Bourré. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Le plan de demain à assemblage requis. Bon, ça, demain, je pense que ça va être mano à mano pas mal. On va peut-être se faire un combat de toune. Je sais pas ce qu'on va faire, ça. Un combat de coq. Combat de coq? Attends un peu. Coq fight, ça... Wow, ben OK. Comme des coqs, là. Ben oui. L'animal. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'on fait cette pub-là en ce moment? J'aurais pu laisser faire. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais ils rajoutent de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage requis. Eh bien, ça a bien de sens. Hein? Je trouve. Alors, on écoute du Tokyo Police Club. Pourquoi pas, on s'en va entendre l'extrait End of a Spark au 89 FM. C'était Assemblage requis jusqu'à 9h. Ready for you to bed. You're great. Fallait Bloom, respirer la fumée à assemblage requis. Il est 8h40 en ce mardi matin. Il nous reste donc une petite vingtaine de minutes à l'émission aujourd'hui. Exactement. Ça a passé quand même bien, ça. Quand oui, même bien. Oui, oui, oui, oui. On en a entendu, on a créé un monstre. Ça peut pas faire autrement que de bien aller. Hein? Exactement. Ouais. En passant, Marie-Pierre Laforge-Bourret, la semaine prochaine, c'est officiel, c'est confirmé. La semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine prochaine. Non, c'est ça, exactement. On arrête de le dire, c'est bon. Brûle, on a créé un monstre. Tout de suite, tiens. Juste là, là. Tout de suite. Assemblage requis. Assemblage. Assemblage requis? Oui. Oh, oh. OK. Je suis prêt. Ben oui. Go. Je répète les mots du gars. C'est drôle. En fait, c'est pas drôle du tout. Un peu de réconfort pour terminer ce soir de mai. Un courant d'air s'effondre traversant l'appartement. Pendant qu'un feu ravage d'à côté, un art de rentre dedans alimente le tourment. Brûle, brûle, brûle, la flamme brûle. J'ai mis de l'essence sur la planche. Le salon devient une piste de danse. Les gens sortent de partout, le cœur dans les jambes. On s'éloigne lentement du toit comme des lucioles au dessus d'un champ. Il faudrait sûrement que je pense à descendre, mais la pesanteur me retient sur le divan. Un délire franchit le périmètre. Je ne frissonne pas. Maintenant, je suis lucide. d'artifice de ta vie. Toutes ces heures pour un instant, mais juste une flamme pour voir toutes les couleurs fondre ensemble et disparaître. Ferme les yeux et clique. T'as rien à faire pour juste donner avant de faire péter. Prendre une chance, une autre pour la loge avant de partir en fumée. Simon Kingsbury, la pièce Feu d'artifice à Assemblage requis, c'est sur la compilation des Francs ouvertes. C'est la quoi? 16e édition. La 16e édition déjà. Hey oui. Mathieu, écoute, on parle des élections de l'OGE 8h qui s'en vient, en fait, qui se déroule maintenant. Jusqu'à jeudi. Ouais, à partir d'hier, 23h45, on a pu voter. En fait, les étudiants peuvent voter à partir de là. Je pense qu'il avait choisi 23h45 pour pouvoir dire que c'est de lundi à jeudi, peut-être. C'est plus facile de dire mardi matin à minuit. T'sais. Ouais, je sais pas. Ouais. Je sais qu'il fallait que le débat soit passé, fait. Ouais. Donc, j'espère que vous l'avez écouté sur nos ondes, sinon il va être sur la page Facebook plus tard aujourd'hui. Génial. Écoute, on fait une petite présentation des candidats. Oui. On va commencer par le président. Candidat à la présidence, Ludovic Nadeau. Donc, mm-hmm. Vous pouvez aller voter pour lui. Évidemment, il affronte la chaise. La belle chaise. On continue avec le poste de vice-président aux finances et développement. Le candidat s'appelle François Arcan. Candidat au poste de secrétaire général, Mme Jasmine Raymond-Drainville. À la vice-présidence à la vie associative et à l'environnement, le candidat est Mathieu Roy. Et candidat à la vice-présidence aux communications, M. Malik Diang. Vice-présidence aux affaires académiques de premier cycle, la candidate est Mathilde Loisel-Davidson. Et là, on parle de candidat à la vice-présidence aux affaires socio-culturelles. Évidemment, là, le seul poste où il y a trois candidats, on parle ici de Michael Magny. De Pascal Goulet et de Vistel Ganongo. Oui, et on termine avec la vice-présidence aux affaires sociopolitiques. Elle s'appelle Anne-Julie Durocher, la candidate. Il y a un dernier poste qui est vacant, c'est celui de vice-président aux affaires académiques de cycle supérieur. Voilà. Et voilà, donc allez voter en grand nombre. C'est important, je pense qu'il faut qu'il atteigne un quorum de 10%. Ah, d'accord. Tu vois, j'étais même pas au courant. Il y a des années où ça n'a pas eu lieu, mais maintenant qu'il y a un quorum, ça va devoir arriver. Hein? Oui, c'est ça, exactement. Le vote se passe jusqu'au jeudi 29 mars et les résultats vont être dévoilés à la Chasse-Galerie le vendredi suivant, donc c'est-à-dire le 30 mars. Voilà. Oui, ce vendredi ici vers les 11h30 midi. Plus d'informations sur ageuqtr.org. Les élections à la GEUQTR, allez-y, c'est important, c'est votre AGE, hein, c'est l'Association Générale des étudiants, pas l'association de quelques étudiants qui sont à la tente. Ouais, hein? Exact. Voilà. On continue en musique avec les Delaware Chuck. Voici Facebook Cali. Assemblage de requis sur C'est fou. Manager un extrait censu sur l'album La Caverne à Assemblage Requis. C'est déjà la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je dis déjà, c'est un mot qu'on pourrait aussi ne pas utiliser. Donc, très bonne émission qu'on a eue aujourd'hui. On remercie évidemment. Qu'est-ce qu'on a eu à l'émission d'aujourd'hui? Mathieu Plante. François-Louis Marchand. Stéphanie Gagné en direct de Gatineau. Oui, Stéphanie. Bien sûr. Demain à l'émission, qui est-ce qu'on va avoir à l'émission? François-Louis Marchand et Mathieu Plante, je pense. Oui, c'est ça exactement. Je sais qu'on reçoit une étudiante qui vient nous parler de... de l'activité pour les étudiants sénégalais. D'accord, ben j'ai bien hâte d'en entendre parler, c'est demain matin, ça va être vers la fin de l'émission. On va aussi avoir en début d'émission Kiwan en direct de l'Alberta. Oui, Kiwan qui était pas là lundi. C'est ça, exact. Remplacement, translittération des matériaux de... C'est comme un appareil de science. De qualité, ouais, c'est comme une grue. Ouais. Transporte du bois d'un jour à l'autre. Allez voir le CIF.ca pour la programmation complète et pour en savoir plus sur nos différentes émissions. Assez fou. Restez sur nos autres, entre autres, pour le Dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Ensuite, il y aura Connaître ensemble pour tout savoir sur la périnatalité à 13h. À 14h, c'est David Ferron avec La langue dans ton oreille. À 16h, on rappelle, Le voyage de Célite et album classique. À 19h, c'est du métal et de l'horreur avec Réanimation. Voilà. Et tant qu'à être sur le CIF.ca, passez donc par assemblagerequis.com pour les notes de l'émission d'aujourd'hui et les balado-diffusions. On va se quitter avec une pièce de nos amis de Mauve. Le nouvel extrait du palmarès francophone s'appelle « Chérie, écoute-moi » et c'est vraiment très, très bon. Donc, je vous suggère ça, moi. C'est de même. Bon. Passe une belle journée, François. Merci, toi aussi, Mathieu. Ben, ça me fait plaisir. Pis... Oasis blanc, j'ai senti tes flancs qui s'embrasait, j'ai cru voir le soir s'enflammer dans tes blonds cheveux. Je me sentis bleu de laisser choir la fin de l'histoire. Debout sous les avocatiers, mon cœur j'ai semé pour que tu puisses enfin y goûter. Chérie, écoute-moi, je sais que tout finira par s'arranger. Oh, écoute-moi, ma chérie, vent du nord qui ne cesse de souffler. Je m'en suis méfié. Il voulait loin de toi m'emporter. Oh, mon cœur avait fleuri de ton sein nourri. Et nous pûmes enfin y goûter.